De la Bébélière à Thérèse, 17 août 1897. Mardi soir, ma bien chère petite sœur, le moment est donc arrivé, vous allez partir pour le ciel, vous allez voir Dieu et la Sainte Vierge, que vous êtes heureuse, sœur bien-aimée, allez vous rassasier dans l'amour, le ciel sera le complément, la perfection de celui de la terre, si cher déjà à votre âme, la vie de votre âme déjà. Jésus sera à vous enfin, tout à vous et bientôt ce sera un échange de douce et ardente tendresse qui durera autant que l'éternité, l'amour désormais sans obstacle, en plénitude, le voyant, l'entendant, le respirant, le sentant de toutes parts envahissant et puissant, partagé avec ceux qui vous attendent et avec eux aussi réciproque. Déjà, il vous initie au bonheur de là-haut, puisque déjà votre bien-aimé Père n'a pu tenir son impatience, qu'il vous avertit de l'approche de l'époux. Vous êtes donc attendu et les anges préparent votre place. Que peut la pauvre créature désormais, peut-elle songer à vous retenir et contrister vos amis du ciel? Voici qu'ils vous tendent les mains, laissez-vous faire, partez, endormez-vous entre leurs bras, entre les bras de Jésus qui semble ne plus attendre que votre consentement pour vous attirer à lui. Mais lorsqu'un ami cher va vers un autre ami bien cher aussi, il est d'usage, n'est-ce pas de charger le premier de recommandations pour le second? Dites donc à Jésus, chère petite sœur, qu'il anime ma bonne mère de sa grâce, pressentant, ce qui doit arriver, elle a commencé, à me déclarer, qu'elle ne m'accorderait jamais son consentement. Sans doute, je ne reculerai pas, mais votre cœur aimant sent combien il est douloureux de briser une âme si chère. Jésus peut arranger tout cela, plaider ma cause, chère petite sœur, je me recommande aussi tout particulièrement à la Sainte Vierge et aux saints que vous connaissez, au cardinal Lavigerie, aux saints dont j'aurai le bonheur de vénérer les reliques après vous. Ô ma bonne petite sœur, comme j'ai reconnu la part du cœur en cet héritage que je recueillerai de vous, comme ces chers objets sont choisis, comme je reconnais l'affection qui a inspiré ce choix. Merci, oh oui merci du fond du cœur de ce cher, ô combien il le sera pour moi après l'avoir été tant pour vous, crucifié, jusqu'à la mort il sera mon meilleur ami, oui, cher à tant de titres, que vous êtes bonne d'avoir pensé à me le léguer, avec aussi ce reliquaire, compagnon de toute votre vie religieuse, du ciel vous verrez quel y sera mon culte, jusqu'à cette image, la dernière empreinte laissée par vous de votre piété feront tout mon plus cher trésor, simplement, mais de tout mon cœur, merci chère petite sœur. Demain, ou plutôt jeudi, je partirai pour Lourdes avec ma mère, croyez que je prierai pour vous avec une ardeur singulière, j'espère être brancardier, unissez-vous à mon pèlerinage, je serai sans cesse en union avec vous aux pieds de la très douce mère de miséricorde, jusqu'au dernier jour, si vous le pouvez, voulez-vous, chère petite sœur, me donner quelques pensées de vous, ce sera encore de l'héritage, mais, de grâce, ne vous fatiguez pas, je voudrais à mon retour, le 25, vous savoir encore des nôtres. Pourtant, Jésus vous appelle, allez à Dieu, votre petit frère vous envoie le dernier adieu peut-être, et le revoir du ciel, car toujours et à jamais il le demeure frère Louis. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.